Chapitre 5 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Essai par Michel Ecuem de Montaigne, livre 1, chapitre 5. Si le chef d'une place assiégée doit sortir pour parlementer. Lucius Martius, légat des Romains en la guerre contre Perseus, roi de Macédoine, voulant gagner le temps qu'il lui fallait encore à mettre en point son armée, sema les entrejets d'accords, desquels le roi endormi accorda trêve pour quelques jours, fournissant par ce moyen son ennemi d'opportunités et loisirs pour s'armer. D'où le roi encourut sa dernière ruine. Si est ce que les vieux du Sénat, mémoratifs des mœurs de leur père, accusèrent cette pratique comme ennemie de leur style ancien, qui fut, disaient-ils, combattre de vertu non de finesse, ni par surprise et rencontre de nuit, ni par fuite apostée et recharge inopinée, n'entreprenant guère qu'après l'avoir dénoncé, et souvent après avoir assigné l'heure et le lieu de la bataille. De cette conscience, ils renvoyèrent à Pyrrhus son traître médecin, et au Falisque leur déloyal maître d'école. C'étaient les formes vraiment romaines, non de la grecque subtilité et astuce punique, où le vaincre par force est moins glorieux que par fraude. Le trompé peut servir pour le coup, mais celui seul se tient pour surmonter, qui sait l'avoir été ni par ruse ni de sort, mais par vaillance, de troupe à troupe, en une franche et juste guerre. Il appert bien par ce langage de ces bonnes gens qu'il n'avait encore reçu cette belle sentence. Je cite « Dolus an virtus, quis in hoste recurat » fin de citation. Les Achéens, dit Polybe, détestaient toute voie de tromperie en leur guerre, n'estimant victoire sinon où les courages des ennemis sont abattus. Eam vir sanctus et sapiens siet, veram esse victoriam, quae salua vide et integra dignitate parabitur, dit un autre. Vos ne velit an me regnare hera, cutve ferat force virtute experiamur. Au royaume de Ternat, parmi ces nations que, si à pleine bouche nous appelons barbares, la coutume porte qu'ils n'entreprennent guère sans l'avoir premièrement dénoncée, y ajoutant ample déclaration des moyens qu'ils ont à y employer, quels, combien d'hommes, quelles munitions, quelles armes, offensives et défensives. Mais aussi cela fait, si leurs ennemis ne cèdent et viennent à accord, ils se donnent loi de se servir à leur guerre, sans reproche, de tout ce qui aide à vaincre. Les anciens Florentins étaient si éloignés de vouloir gagner avantage sur leurs ennemis par surprise qu'ils les avertissaient un mois avant que de mettre leur exercice au champ, par le continuel son de la cloche qu'ils nommaient Martinella. Quant à nous, moins superstitieux, qui tenons celui d'avoir l'honneur de la guerre, qui en a le profit, et qui, après Lysander, disons que, où la peau du lion ne peut suffire, il faut coudre un lapin de celle du renard. Les plus ordinaires occasions de surprise se tirent de cette pratique, et nette heure, disons-nous, où un chef doit avoir plus l'œil au guet que celle des parlements et traités d'accord. Et pour cette cause, c'est une règle en la bouche de tous les hommes de guerre de notre temps qu'il ne faut jamais que le gouverneur en une place assiégée sorte lui-même pour parlementer. Du temps de nos pères, cela fut reproché au seigneur de Montmort et de la Signée, défendant Mousson contre le comte de Nanceau. Mais aussi, à ce compte, celui-là serait excusable qui sortirait en telle façon que la sûreté et l'avantage demeura de son côté, comme fait en la ville de Règue le comte Guy de Rangon. s'il en faut croire du Bellay, car Guichardin dit que ce fut lui-même, alors que le seigneur de l'Escu s'en approcha pour parlementer, car il abandonna de si peu son fort qu'un trouble s'étant ému pendant ce parlement, non seulement monsieur de l'Escu et sa troupe qui était approchée avec lui, se trouva le plus faible, de façon qu'Alexandre Trivulce y fut tué, mais lui-même fut contraint, pour le plus sûr, de suivre le comte et de se jeter sur sa foi à l'abri des coups dans la ville. Eumène, en la ville de Nora, pressé par Antigonus, qui l'assiégeait, de sortir pour lui parler, allégua que c'était raison qu'il vint de vers lui, attendu qu'il était le plus grand et le plus fort. Après avoir fait cette noble réponse, je n'estimerai jamais homme plus grand que moi, tant que j'aurai mon épée en ma puissance, ni consenti qu'Antigonus ne lui eût donné Ptolémios, son propre neveu, en otage, comme il demandait. Si est-ce qu'encore en y a-t-il qui se sont très bien trouvés de sortir sur la parole de l'assaillant, témoin Henri de Vaux, chevalier champenois, lequel, étant assiégé dans le château de Commercy par les Anglais, Bartholomé de Bonne, qui commandait au siège, ayant par dehors fait saper la plupart du château, si qu'il ne restait que le feu pour accabler les assiégés sous les ruines, somma le dit Henri de sortir à parlementer pour son profit, comme il fait lui quatrième, et son évidente ruine lui ayant été montrée à l'œil, il s'en sentit singulièrement obligé à l'ennemi, à la discrétion duquel après il se fut rendu, et sa troupe, le feu étant mis à la mine, les extensions de bois venues à faillir, le château fut emporté de fond en comble. Je me fis aisément à la foi d'autrui, mais malaisément le ferai-je, alors que je donnerais à juger l'avoir plutôt fait par désespoir et faute de cœur que par franchise et fiance de sa loyauté. Fin du chapitre 5, lu par Sandra, en Nouvelle-Écosse, 2024.